grande chaîne de montagnes continentales de la planète, plus de 7000 km de long jusqu'à 800 km de large, avec pourtant d'importantes disparités que l'on s'intéresse à ses parties septentrionales, australes ou à sa partie centrale, son altiplano qui intrigue encore beaucoup les géologues. Les Andes sont utilisées en cours de géologie justement comme un modèle de chaîne par subduction, soit par le glissement d'une plaque océanique sous une plaque continentale, et pourtant la grande cordillère recèle encore de nombreux mystères et plusieurs études récentes proposent des modèles qui bouleverse la compréhension de ces mécanismes de formation. Opération subduction, c'est le programme d'altitude qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, j'avais réservé la surprise du titre à mes invités, ça a marché, je vous ai fait sourire. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus à ce micro évoquer aujourd'hui le passé, le présent et le futur donc de cette grande cordillère. Merci et bonjour Romain Lacassin. Bonjour. Vous êtes géologue, directeur de recherche CNRS à l'Institut de physique du globe de Paris dans l'équipe tectonique et mécanique de la lithosphère. Et bonjour et merci Joseph Martineau. Bonjour. Vous êtes géologue, professeur à l'Institut des sciences de la Terre, Université de Savoie, chercheur dans l'équipe tectonique, relief et bassin. Vous pouvez comme chaque jour écouter comme bon vous semble cette émission sur les ondes en replay via franceculture.fr, en podcast via votre application préférée, mais toujours, et puis ça va être particulièrement important aujourd'hui parce que quand on parle de tectonique des plaques, c'est toujours bien d'avoir quelques graphiques pour visualiser ce dont il va être question, la subduction, l'obduction, tout ça, eh bien on va vous le mettre en graphique et en visuel sur notre fil Twitter @laméthodefc. Ceci étant dit, qui n'a jamais rêvé d'aller marcher sur les sommets andins, de découvrir les vastes plaines d'altitude de l'altiplano? Écoutez la façon dont l'archéologue et ethnologue Bertrand Flournoy les décrit en 1950 dans ce document de la radiodiffusion française. La cordillère des Andes, ce n'est pas une suite de chaînes avec des montagnes, des sommets et des neiges éternelles. C'est plutôt, l'aspect général de la cordillère sera plutôt celui d'un haut plateau à 3000 ou 4000 mètres d'altitude, c'est-à-dire tout près du ciel, avec des nuages. Et ça, c'est un des phénomènes que le voyageur note avec le plus de curiosité. C'est ce perpétuel aspect de profil que vous donnent les nuages. On est toujours très haut sur la cordillère, mais en plus de ce caractère tout à fait particulier de la cordillère des Andes, qui veut que ce soit un monde à part dans le monde de l'Amérique du Sud, la cordillère des Andes a un grand intérêt parce qu'elle a été véritablement pendant des siècles d'abord un lieu de passage pour les grandes migrations indiennes et également un lieu de stationnement. Voilà, c'est un point de vue d'archéologue et d'ethnologue. Vos réactions à ce document de 1950, à ces déclarations de Bertrand Flournoy, Robin Lacassin? Ben, un gros plateau, c'est vrai, effectivement. Mais il y a aussi de grandes montagnes qui bordent le plateau de chaque côté, si on peut dire. Puis on pourrait partir de l'océan. Hein, si vous partez de l'océan, donc à 0 mètre d'altitude, la première chose qui vous arrive, c'est que vous montez d'un kilomètre. Donc il y a un escarpement, une falaise côtière, qui nous amène jusqu'à un plateau qui est le désert d'Atacama. Aussi bien au sud du Pérou que je parle là du sud du Pérou et du nord du Chili. Donc là où la chaîne est le plus large. Donc ce plateau à 1000 mètres, le désert d'Atacama. Et après, on monte une autre grande pente qui nous amène jusqu'à l'altiplano avec la bordure qui est marquée par des volcans. Donc une topographie qui est un peu plus compliquée que ça. Si vous continuez ensuite à traverser la chaîne, vous arrivez à ce qu'on appelle la cordillère Est, qui est en Argentine, en Bolivie, au Pérou, etc. Et puis vous commencez à descendre vers l'Amazonie avec un certain nombre de chaînes de montagnes parallèles. Donc c'est, oui, un plateau au milieu d'autres choses. C'est-à-dire, on vient de faire une coupe express, une traversée express de la cordillère des Andes du nord du Chili jusqu'au Brésil. Votre réaction à Joseph Martineau? Oui, enfin là, ce que Romain Lacassin vient de nous décrire, c'est une coupe finalement du Pacifique jusqu'à la plaine amazonienne. Mais en fait, ce que décrivait l'interview qu'on vient d'entendre, c'était les Andes centrales. Et uniquement les Andes centrales, parce que souvent les gens, quand on leur parle des Andes, ils ont en tête les Andes centrales, le haut plateau de l'altiplano. Mais en fait, les Andes, c'est une chaîne de montagnes qui est beaucoup plus longue, hein, qui fait 8000 km de long, depuis la Terre de Feu jusqu'au Venezuela. Et les géologues disent que c'est une chaîne de montagnes qui est segmentée, c'est-à-dire qu'elle a des caractéristiques géographiques, morphologiques, qui sont très différentes du nord au sud. Et le haut plateau, finalement, ne correspond qu'aux Andes centrales. C'est-à-dire qu'il y a un petit secteur de la cordillère. Et les Andes australes, par exemple, c'est une chaîne de montagnes qui est beaucoup plus modeste, qui est beaucoup plus étroite, qui est beaucoup moins élevée. Et ça nous amènera dans la suite, probablement, quand on essayera de chercher quels sont les mécanismes à l'origine de la formation de cette chaîne de montagnes. Ces mécanismes, il faudra qu'ils expliquent ces différences. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut dire pour essayer de faire une carte d'identité? Parce qu'on va avoir le temps de rentrer dans le détail, de justement définir, décrire ces différentes parties des Andes. Et on va voir qu'elles ne correspondent peut-être pas même d'ailleurs au même mécanisme de formation, ou en tout cas au même temps de formation. Robin Lacassin, quelle serait la carte d'identité? Identité générale que l'on pourrait faire de cette cordillère, de cette grande vaste chaîne de montagnes. Tout d'abord, c'est vrai que la coupe que je viens de vous décrire, c'est celle qui est au milieu. Les Andes centrales, donc Joseph a entièrement raison dans ce qu'il vient de dire. Bon, en gros, c'est une chaîne, comme vous l'avez dit en introduction, qui fait 7000 km de long. Qui 7000, 8000 il faut... 7100 peu importe. La longueur de l'Amérique du Sud. 1000 km, c'est pas tout à fait peu importe quand même. Quand on parle de ces ordres de grandeur, finalement. D'accord. En gros, c'est dans toute la longueur de la bordure ouest de l'Amérique du Sud. Et alors, tout de suite, je pose une question. On s'arrête en Amérique du Sud ou est-ce qu'on peut descendre encore un peu? Est-ce qu'on peut considérer que la chaîne de montagnes antarctique, la chaîne transantarctique, est une continuation, d'une certaine manière, de cette cordillère ou pas, ou c'est un peu osé? À un certain moment, les deux étaient en continuité, mais ça fait quand même relativement plusieurs dizaines de millions d'années que c'est déconnecté. Donc, ça peut se discuter. Joseph Martineau ? Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on ne peut pas la continuer vers le nord. Pourquoi pas ? Finalement, les Rocheuses américaines, c'est une autre cordillère, et qui partage un certain nombre de points communs avec la cordillère des Andes, même s'il y a des différences bien nettes entre les deux chaînes de montagnes. Mais est-ce que ce serait... Alors, on anticipe un peu la suite de l'émission, mais sur les Rocheuses, par exemple, on n'est pas du tout sur le même type de mécanisme de formation. Si, mais le problème, c'est que l'évolution récente, après la formation des Rocheuses, a été différente. Si on regarde la limite à l'ouest des Rocheuses et à l'ouest des Andes, donc on a une limite de plaque qui est de nature différente actuellement. Au sud, c'est une subduction, on va en parler un petit peu après, je pense. Et au nord, on a la grande faille décrochante de San Andreas. Donc actuellement, le système s'est mis à évoluer pour changer les conditions à la limite ouest du système. Mais il a été, si on va dans le passé, en Amérique du Nord, c'était aussi une limite de plaque en subduction du même. C'est-à-dire océanique continentale. Exactement. Avec une subduction, oui. Alors, donc ça, je vous laisse continuer cette carte d'identité. Donc, 7-8 000 km du Venezuela jusqu'à la pointe de l'Argentine. En termes d'altitude, est-ce qu'on peut faire une moyenne? Est-ce que ça a un sens de faire une moyenne d'une chaîne de montagne aussi longue, Joseph Martineau? Si on parle des Andes centrales, qui sont la partie la plus large, la plus élevée. Combien de kilomètres de largeur, là, les Andes centrales? Donc, aux alentours de 800 km de large, c'est quelque chose de considérable. Si on regarde une coupe topographique des Andes centrales et on compare avec les Grandes Alpes, on s'aperçoit que les Grandes Alpes, elles sont bien étroites. C'est bien peu de choses à côté. Une vingtaine de kilomètres, les Alpes? Un peu plus, j'exagère. Vous exagérez un peu. 150. 150 kilomètres. Les Savoyards ne sont pas contents si vous entendez. Ça dépend d'où on veut, je ne sais pas, moi. Vous avez un haut plateau qui fait plusieurs centaines de kilomètres de large avec une altitude moyenne qui est aux alentours de 4000 mètres d'altitude. Donc c'est un peu moins haut que le plateau tibétain, mais ça reste quand même quelque chose de considérable. Et de part et d'autre de ce haut plateau, vous avez deux cordillères, une cordillère occidentale, une cordillère orientale, avec des sommets qui dépassent régulièrement les 6000 mètres d'altitude. Le point culminant? Point culminant, c'est la Aconcagua, presque 7000 mètres d'altitude, voilà. 6900 et des poussières, je ne sais plus. Avec cette petite particularité que ce n'est pas donc le point le plus haut de la planète, et pour autant, Joseph Martineau, c'est le point le plus éloigné du centre de la Terre. Pas la Aconcagua. Non, pas la Aconcagua. Le Chimborazo, je crois. C'est ça. Les Équatoriens sont très fiers d'avoir, de posséder le point le plus éloigné du centre de la Terre. Sachant que je ne connais pas l'altitude exacte du Chimborazo, mais ça doit être 6000 et quelques mètres d'altitude. Mais comme le Chimborazo est situé pratiquement parfaitement sur l'équateur, et comme la Terre a une forme de sphère aplatie au niveau des pôles, quand vous êtes sur l'équateur, vous êtes forcément plus loin du centre de la Terre que quand vous êtes au niveau du plateau du Tibet ou en France, par exemple. Et donc effectivement, le point le plus éloigné du centre de la Terre, c'est le sommet du Chimborazo. On peut ajouter à cette grande carte d'identité un peu synthétique et schématique, peut-être aussi le volcanisme, Robin Lacassin. La chaîne est parsemée, surtout la cordillère occidentale, donc à l'ouest, est parsemée tout au long de ces milliers de kilomètres par de nombreux volcans. Il y a quelques interruptions d'ailleurs qui sont liées à la géométrie de la plaque qui s'enfonce en dessous sous l'Amérique du Sud. Les endroits où la plaque s'enfonce de façon très très plate, il n'y a pas de volcanisme, mais de très nombreux volcans. Et d'ailleurs, les sommets qui atteignent 6000 mètres et plus, c'est des volcans. Essentiellement, si on parle de la structure elle-même de la chaîne, qui est ce que nous on étudie en tectonique, on peut dire que la chaîne s'élève à peu près à 5000 mètres d'altitude, et puis par-dessus, on y pose les volcans. Et ces volcans qui sont encore actifs. Très nombreux volcans actifs et en éruption régulièrement. Et donc également à ce volcanisme important, une sismologie aussi, une activité sismique relativement importante toujours, puisqu'il y a eu un tremblement de terre il y a encore très peu de temps au sud du Pérou la semaine dernière. Oui, donc il y a alors effectivement Martin, à la cordillère des Andes, enfin c'est l'endroit où vous allez trouver donc énormément de volcanisme actif, du volcanisme explosif qui plus est. Hein. Enfin quand j'étais à la maternelle, on me parlait des volcans rouges effusifs. Enfin on me dit rouge et donc les volcans effusifs, les volcans gris explosifs. Donc on a affaire à du volcanisme explosif, du volcanisme calco-alcalin de subduction. Qui est très riche en fluide, donc qui se bouche et qui fait des espèces de bombes de lave. C'est un effet bouteille de champagne. Ouais, la lave en remontant est pleine de fluide qui explose d'un seul coup. Et également énormément de sismicité avec des séismes de subduction qui sont effectivement les plus violents, ceux qui dégagent le plus d'énergie qu'on va trouver sur Terre. Il faut savoir que le séisme le plus violent qui a été enregistré instrumentalement, c'est le séisme du Chili de 1960, du sud du Chili. C'est une magnitude de 9,5, une longueur de rupture de 1300 km et des dégâts considérables. Et c'est quelque chose encore un peu plus violent que le séisme dont on se souvient peut-être tous, qui était le séisme de Sumatra de 2003, qui avait fait le grand tsunami en océan Indien. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15 sur France Culture, nous parlons donc de la cordillère des Andes tout au long de cette heure en compagnie de deux géologues, Robin Lacassin et Joseph Martineau. Joseph Martineau, vous venez d'évoquer Sumatra. C'est intéressant parce que tout de même, l'une des particularités de cette chaîne des Andes, c'est que donc, on l'a dit, on s'en sert souvent comme modèle à l'école pour expliquer ce que c'est qu'une chaîne de subduction. Pourtant, des failles de subduction, on en connaît. Il y en a d'autres sur Terre, Sumatra, le Japon, mais il n'y a pas de montagne aussi élevée, d'altitude aussi importante. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait la particularité de cette chaîne des Andes, Joseph Martineau? Je pense qu'effectivement, là, vous touchez du doigt une des grandes questions. Parce que, en gros, les mécanismes des chaînes de collision, quand on a deux continents qui se rentrent, qui s'emboutissent l'un l'autre, on comprend. Par exemple, l'Himalaya. Les Alpes, l'Himalaya, les Pyrénées, etc. Dans le détail, les choses se font de façon très compliquée. Mais en gros, on comprend que la croûte continentale s'épaissit, parce qu'une plaque continentale, c'est quelque chose qui flotte, quelque chose qui est léger. Aucune des deux plaques continentales n'a envie de plonger sous l'autre. Donc, elles se viennent s'emboutir l'une l'autre. La croûte continentale s'épaissit, ça génère du relief. On comprend bien ça. Oui, ça c'est à comprendre. C'est relativement bien compris. On n'a pas tout compris encore. Hein, mais c'est facile à résumer, en tout cas. Oui. C'est facile à se figurer. Quand on a affaire à une zone de subduction, la plaque océanique qui plonge sous le continent, cette plaque océanique, a priori, elle est souvent plus dense. Elle a une densité supérieure au manteau dans lequel elle plonge. Donc cette plaque océanique, finalement, on pourrait dire qu'elle est contente de... C'est une plaque qui est instable à la surface de la Terre. Et donc, finalement, à cause de son propre poids, elle va avoir tendance à couler à l'intérieur du globe. Et donc, on se dit, mais pourquoi est-ce que ça entraîne la formation d'un relief sur le continent? Pourquoi est-ce que cette plaque océanique vient emboutir le continent? Et en fait, on connaît des tas de zones de subduction sur Terre où on n'a absolument aucun relief associé sur la plaque continentale. Par exemple ? L'Indonésie, par exemple. Alors, il y a des reliefs en Indonésie. Ce sont les volcans. Mais ce sont des volcans qui sont posés sur une plaine au niveau de la mer. Et vous avez, en dehors des volcans, aucun relief. Et d'ailleurs, si on monte dans l'histoire des Andes, on s'aperçoit que sous l'Amérique du Sud, on a eu une subduction depuis très longtemps. Ça, on le sait, parce qu'on a des traces de volcanisme de subduction. La subduction a au moins 200 millions d'années sous le continent sud-américain, donc depuis le début du Jurassique. Et on sait que le relief, il commence à apparaître seulement, les prémices du relief commencent à apparaître seulement peut-être il y a 100 millions d'années. C'est-à-dire que pendant 100 millions d'années, sous l'Amérique du Sud, vous faites de la subduction, de la subduction, de la subduction. Et comme vous en Indonésie. Et vous avez l'équivalent de l'Indonésie. Et donc la question qu'on se pose tous, c'est mais pourquoi est-ce qu'il y a 100 millions d'années, le relief commence à apparaître ? Robin Lacassin. Oui, c'est exactement ça. Pourquoi, on peut même préciser la question, pourquoi à un certain moment, ce système qui peut fonctionner en régime continu, et qui, comme Sumatra au Japon, etc., pourquoi à un moment il se coince ? Quelles sont les raisons physiques, géodynamiques, si vous voulez, qui fait que ce système, à un certain moment, commence à avoir du mal, la plaque océanique continue à s'enfoncer, mais à un certain moment, on met la plaque qui est au-dessus de la subduction dans un autre état de physique, un état de force différent, qui fait qu'elle va commencer à se raccourcir. C'est ça qui fabrique les chaînes de montagne. Et c'est ça qui se passe dans l'Himalaya ou dans les Alpes. Lorsque deux plaques continentales se rencontrent, ça continue à se rapprocher et les plaques se raccourcissent. Donc en se raccourcissant, on est obligé de les épaissir pour maintenir le volume, tout simplement. Donc ce qui se passe dans les Andes, c'est qu'à un certain moment, le système change d'état physique et fait que la plaque continentale qui est au-dessus de la subduction passe dans ce genre de situation où elle se raccourcit et s'épaissit, ce qui fabrique les reliefs. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement à la jonction entre les deux plaques, c'est-à-dire à la jonction sur cette faille péruvienne entre la plaque de Nazca et la plaque continentale aujourd'hui? C'est quoi? C'est la subduction continue encore, Romain? Actuellement, d'ailleurs, les grands séismes dont on a parlé tout à l'heure, ils ne se produisent pas dans la chaîne de montagne, ils se produisent sur cette interface entre les plaques, sur la subduction. Donc, en gros, on a un rapprochement entre les deux plaques qui se fait à peu près à 6 cm par an, qui est absorbé vers la surface de façon discontinue, l'interface entre les plaques est bloquée, et de temps en temps, on accumule de la, ce qu'on appelle nous de la déformation élastique, c'est-à-dire que les roches de chaque côté de la zone de subduction absorbent de l'énergie, si vous voulez, qui est libérée d'un coup lors de ces très grands séismes, genre celui de 1960, de magnitude 9,5. Donc ça, c'est ce qui se passe sur la subduction. C'est exactement ce qui se passe à Sumatra, par exemple. La différence ici, c'est qu'une petite partie de cette convergence entre les plaques, une petite partie de 6 cm, elle est prise pour raccourcir la plaque supérieure et donc fabriquer les reliefs. À peu près, là où les Andes sont le plus larges, on peut parler d'à peu près 1 cm par an qui n'est pas absorbé par la subduction océanique, mais qui est transféré à la plaque supérieure. Quel est aujourd'hui le modèle admis, général? On verra qu'il a ses limites, mais aujourd'hui, celui qu'on apprend à l'école, qui est communément admis, vous faites des drôles de têtes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle communément admis du tout, Joseph Martineau. Et non, je crois qu'il y a... Il y a une multitude d'hypothèses qui ont été proposées, de mécanismes qui sont proposés par les géodynamiciens, par les géologues, pour expliquer finalement les paramètres qui conduisent au soulèvement de la cordillère des Andes. Et probablement, d'ailleurs, là, aucun des modèles est juste à lui tout seul. C'est une addition de multiples phénomènes qui va conduire à la formation de cette chaîne qui est remarquable. Alors je vais poser ma question d'une autre façon. Comment est-ce qu'on étudie aujourd'hui, pour vous, géologue, justement, ces différentes hypothèses? Quand on se rend sur le terrain, quels sont les mécanismes, quels sont les prélèvements, quelles sont les manipulations, quelles sont les structures que vous étudiez et qui peuvent vous renseigner sur, d'une part, la nature des roches qui constituent les Andes et en quoi cette nature des roches peut vous renseigner sur son mouvement et sur ses mécanismes de formation, Robin Lacassin? Ah, le travail du géologue, le vrai géologue, c'est d'aller sur le terrain, d'observer, pour ce qui nous concerne, nous, c'est donc d'observer comment ces roches, on a parlé de déformation tout à l'heure, on a parlé de raccourcissement de la croûte continentale, donc observer sur le terrain, qu'est-ce que cela produit, et comment ça peut se mesurer, si vous voulez. Donc, l'idée, c'est d'aller sur le terrain et d'observer les structures des plis, des grandes failles qui fabriquent les montagnes, de les observer sur le terrain, les caractériser, caractériser leur géométrie et essayer de mesurer, d'estimer, si on veut, quelle quantité de déplacement, quelle quantité de raccourcissement elles ont absorbé. Donc ça, c'est le travail sur le terrain de base du géologue. Alors concrètement, par exemple. Je crois que vous étiez sur le terrain l'année l'autre, il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est ça. J'étais sur le terrain en janvier avec une jeune doctorante qui commence sa thèse là-dessus. Donc dans le désert d'Atacama au nord du Chili, un peu loin de toute civilisation. Et donc, pas mal. Oui, très c'est bien. Pas désagréable. On est parti dans le désert au bout d'une piste, comme je le dis souvent, à plus de 100 km du plus proche point d'eau. Donc, des véhicules avec 400 litres d'eau, enfin, c'est une petite expédition. Mmh. On a posé un camp dans le désert et de là, on a travaillé à pied parce que c'était le seul moyen d'avancer plus loin, entre 2500 et 4000 mètres d'altitude à peu près. Donc, travail qui est, bon, travail classique de géologie. Hein. Mmh. Et donc, la différence avec l'approche traditionnelle de géologie, c'est qu'une grande partie de la préparation du travail avait été faite à l'aide de données de satellitaires. Des images satellites de haute résolution. Et aussi, maintenant, on peut calculer à partir de ces images satellites des modèles topographiques, donc un petit peu des cartes topographiques très, très, très, très bien résolues, numériques. Et donc, avec cela, on fait une préparation et le terrain sert plutôt à aller préciser certains points, à aller les documenter en photo, à aller faire des mesures et ensuite prélever des échantillons. Donc, en gros, c'est ce qu'on a fait au mois de janvier dans cette partie perdue du désert d'Atacama. Et qu'est-ce que vous recherchez précisément ? Là, précisément, c'est là qu'on va retrouver un petit peu les modèles. Là, on est en train de tester une idée avec justement cette approche et en essayant de dater certains échantillons, de dater l'âge de la tectonique, l'âge du début de la formation de la chaîne. Donc, on est en train de tester une idée qui est que la chaîne a probablement commencé à se former à peu près au milieu de l'Amérique du Sud, là où actuellement elle est le plus large. Je vois que Joseph va peut-être discuter cette idée. On est exactement là pour en discuter, ça tombe bien. Et donc, on est sur cette idée-là. Donc, l'idée, c'est de voir quelles sont les variations d'âge le long de la chaîne. Ce qui est relativement bien caractérisé, c'est les variations d'âge le long d'une coupe, comme je vous ai décrit tout à l'heure. On sait que la chaîne a commencé à se former à l'ouest et s'est propagée vers l'est, hein, vers le Brésil. Vers le Brésil, si vous voulez, vers l'Amazonie. Ça, c'est bien documenté. Par contre, la façon dont est-ce qu'elle s'est formée d'un coup tout au long de la bordure de l'Amérique du Sud? Probablement pas. Et donc c'est ce qu'on essaye de documenter actuellement. On est sur cette idée-là qui est et donc la documenter d'une certaine façon par la géologie, sachant que les modèles plus géodynamiques dont Joseph peut nous parler peut-être font des prédictions sur cette fabrication de la chaîne. Alors justement, Joseph Martineau, que nous indiquent ces modèles géodynamiques ? Enfin, peut-être, pour revenir un peu sur ce que disait Robin Lacassin, je crois qu'il y a aussi une chose qui est importante dans le raisonnement géologique, c'est d'observer effectivement les déformations. Donc c'est ce que font les tectoniciens, les sédimentologues aussi, qui observent les empilements des séries sédimentaires. Et puis aussi, c'est de dater. Et parce que finalement, la façon qu'on va avoir de discriminer entre les différents modèles, souvent, ça va être en comparant, en regardant à quel moment le phénomène qu'on observe s'est produit. Et on va souvent essayer de comparer le moment auquel le phénomène se produit avec ce que l'on sait de l'histoire de la subduction. Et alors, pour connaître la subduction, il y a différentes façons de le faire. Peut-être qu'on en parlera plus tard avec la tomographie sismique qui met en évidence les plaques qui sont passées en subduction il y a très longtemps. Ce sera l'objet du reportage qu'on entendra dans quelques minutes. Mais il y a une manière qu'on utilise depuis très longtemps qui est de regarder le volcanisme qui est présent sur la plaque sud-américaine. Et finalement, quand on voit l'évolution du volcanisme depuis 200 millions d'années sur la plaque sud-américaine, ça nous apporte beaucoup d'informations sur la façon dont la subduction a évolué sous le continent sud-américain. Parce que par exemple, si on fait une subduction horizontale, on s'aperçoit une subduction très plane, c'est-à-dire la plaque plongeante océanique vient passer horizontalement sous le continent sud-américain, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, le volcanisme migre vers l'intérieur du continent, en direction du Brésil, puis il s'éteint. Et puis, on a des régions sur la plaque sud-américaine dans lesquelles, effectivement, pendant 10 millions d'années, 15 millions d'années, on a des secteurs de la cordillère des Andes dans lesquels on n'a aucun volcanisme. Et donc, et puis, au bout de ces 15 millions d'années, le volcanisme revient. Donc ça signifie que la subduction, qui était devenue horizontale, de nouveau, elle a repris une inclinaison plus forte, plus prononcée. Et donc, on essaye de comparer finalement la tectonique, les moments où se produit cette tectonique, avec l'évolution de la subduction qui nous est mise en évidence par le volcanisme, et puis d'autres évolutions géologiques qui se produisent aux alentours. Un des problèmes de la géologie, c'est que souvent, on travaille par coïncidence. On observe des corrélations. On observe deux phénomènes qui se produisent en même temps et on se dit, tiens, il y a peut-être du coup un lien de cause à effet entre ces deux phénomènes. Par exemple ? Alors peut-être que Robin Lacassin en parlera. Et on voit une corrélation entre les changements climatiques et le soulèvement de la chaîne. Quelle est la cause ? Quelle est la conséquence ? Est-ce qu'il y a des rétroactions entre les deux ? Est-ce que c'est une coïncidence ? Ça, c'est un débat, je crois, qui est encore en cours sur la cordillère des Andes. On voit des corrélations aussi entre l'élargissement de la chaîne et justement ces épisodes pendant lesquels la subduction doit être horizontale. En tout cas, dans ces épisodes pendant lesquels on n'a plus de volcanisme. Donc, est-ce qu'il y a réellement un lien entre les deux phénomènes ? Il y a une question aussi, peut-être même le point de départ, c'est que vous disiez tout à l'heure, et on le sait, on en a parlé ici, je vais vous renvoyer d'ailleurs à l'émission que nous avions consacrée à l'histoire de l'émergence de la théorie de la tectonique des plaques. La croûte océanique et la croûte continentale ne sont pas constituées des mêmes roches, ça n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on peut, via l'analyse des roches, comprendre, savoir, peut-être analyser, identifier ce qui relève de résidus de croûte océanique à l'intérieur d'une chaîne de montagne par des phénomènes d'obduction, par exemple, essayer de comprendre comment tout ça s'est composé, comment les deux plaques se sont rencontrées, se sont rentrées l'une dans l'autre, en quelque sorte, Robin Lacassin. Oui, bien sûr, mais là, vous êtes en train de repartir vers les chaînes de collision. Parce que pour la plus grande partie des Andes, peut-être on peut faire une exception à l'extrême sud, en Patagonie, mais pour la plus grande partie des Andes, il n'y a pas de collision et il n'y a pas de reste de plaque océanique coincée dans la chaîne elle-même. Ou alors, pour des histoires plus anciennes, de plusieurs centaines de millions d'années. Par contre, effectivement, si vous allez dans les Alpes, au Tibet, dans la chaîne de l'Himalaya, vous allez trouver des restes de plaques océaniques qui sont en fait les résidus de l'océan qui séparait les deux continents avant qu'ils entrent en collision et qui se sont retrouvés en quelque sorte coincés. Vous avez utilisé le terme d'obduction qui est le terme savant. En gros, on a amené de la croûte océanique par-dessus la croûte continentale et puis on a continué à fabriquer la chaîne de montagne, on a continué à raccourcir tout ce système et on retrouve maintenant des lambeaux de croûte océanique dans la chaîne de montagne elle-même. Mais ça, c'est pas le cas pour la plus grande partie des Andes. Sauf peut-être dans les Andes du Nord, puisque extrême nord, extrême sud. À partir de l'équateur vers le nord, on sait que toute la côte équatorienne est constituée de roches d'affinité océanique qui sont venues s'accréter, qui sont venues se coller au continent sud-américain. C'est pas vraiment un mécanisme d'obduction, c'est plutôt donc c'est probablement lié à un grand plateau océanique, hein, une plaque océanique qui supportait une croûte océanique extrêmement épaisse. Une des explications pourquoi est-ce qu'une croûte océanique peut devenir très épaisse, c'est par exemple si la plaque océanique est passée au-dessus d'un point chaud. Du coup, on a fait beaucoup de volcanisme. Si vous faites beaucoup de volcanisme, vous accumulez des kilomètres et des kilomètres de gabbros, de basalte, qui sont des roches de la croûte océanique, qui sont un peu plus légères que les roches du manteau. Et ces plateaux océaniques, ils vont avoir du mal à passer en subduction. Et on sait que sur la côte de l'Équateur et de la Colombie, on a des restes de plateaux océaniques qui sont peut-être les mêmes que le plateau océanique qui constitue la plaque Caraïbe, qui sont venus se coller au continent sud-américain. Et ça fait que les Andes septentrionales ont une histoire géologique, donc c'est-à-dire les Andes de l'équateur vers le nord. Elles ont une histoire géologique bien particulière et qui est bien différente des Andes centrales, et des Andes du Sud sur lesquelles on a plus l'habitude, nous, de travailler. C'est pour ça, d'ailleurs, que je les oublie tout le temps. Mais il faut pas les oublier, voyons. On va continuer à en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a tout de même des points de convergence de ces différentes théories? Alors, en général, je vous soumets cela et vous allez me dire l'un et l'autre ce que vous en pensez, notamment l'idée qu'il y a eu trois grands stades, le début de la formation il y a moins de 200 millions d'années, des plissements plus importants autour de moins 40, moins 80, moins 40, et puis la montée en altitude de moins 40 millions d'années jusqu'à maintenant. Est-ce que ça fait consensus ou même pas encore tout à fait, Robin Lacassin? Le premier stade, effectivement, de 200 millions d'années jusqu'à 100, même probablement 50, 60, c'est un système où la subduction fonctionne de façon simple, sans fabriquer de chaînes de montagnes. À partir d'un certain moment, on l'a dit tout à l'heure, on coince le système et on se met à initier la fabrication des reliefs. Après, séparer cette histoire en phases, je pense que c'est un petit peu dépassé. Hein, et on est, pour ma part, je suis plutôt sur l'idée qu'à partir du moment où on commence à fabriquer la chaîne de montagnes, c'est un système qui se prolonge, avec des variations peut-être, mais qui se prolonge de façon assez continue. Joseph Martineau. Ouais, cette histoire de phase, cette idée selon laquelle les Andes se seraient construits au cours de phases successives, donc des périodes pendant lesquelles on a beaucoup de raccourcissements, puis des périodes de repos, puis de nouveau des périodes de raccourcissements. Je crois qu'un des premiers qui avait énoncé cette idée, ça date déjà il y a un siècle, hein, c'était Steinmann, un géologue allemand qui a beaucoup travaillé au Pérou, au Chili. Et il avait constaté qu'on avait un premier épisode compressif à la fin du Crétacé, il y a 80 millions d'années, qu'il appelait la phase péruvienne. Un deuxième épisode compressif qu'il appelait la phase incaïque, qui avait environ 40 millions d'années. Et un troisième épisode de 20 millions d'années jusqu'à aujourd'hui qu'il appelait la phase Quechua. Et c'est des observations, je pense, c'est des observations intéressantes parce qu'encore aujourd'hui, la plupart des géologues sont d'accord pour dire que la construction des Andes, c'est pas quelque chose qui se fait de façon continue. Il y a des moments où la compression... Oui, je pense qu'on n'est pas tout à fait sur la même ligne. la compression n'est pas... Enfin, on a quand même des géologues qui nous montrent qu'on a des épisodes qui sont, voire même extensifs, dans l'histoire de la cordillère des Andes, l'Oligocène. Ce que disait Steinmann, c'est que ces épisodes, ces phases, il leur attribuait le même âge partout. Et probablement, on ne peut pas imaginer que les choses se produisent en même temps sur les 8000 km de la chaîne. Et donc pendant longtemps, en fait, on peut pas lui faire de reproche. C'était il y a 100 ans, on avait très peu de données qui permettaient de dater les choses, et donc on pouvait pas dater précisément les épisodes au cours desquels se produisaient les déformations. Aujourd'hui, on sait que les choses sont probablement un peu plus compliquées, qu'il y a des secteurs qui se raccourcissent rapidement à l'Éocène, pendant qu'en même temps, on voit pas grand-chose dans d'autres secteurs des Andes. Si on fait 4000 km en direction des Andes du Sud, l'histoire est pas la même. less than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Nous n'avons pas résisté à ce petit clin d'œil. Elle condore pas ça, mais cette très jolie version de Simon & Garfunkel, puisque nous parlons de la Cordillère des Andes tout au long de 7h à 16h35 sur France Culture. Nous en parlons avec Robin Lacassin, qui est géologue, directeur de recherche CNRS à l'Institut de physique du globe de Paris, dans l'équipe tectonique et mécanique de la lithosphère, et Joseph Martineau, qui est géologue, professeur à l'Institut des sciences de la Terre, Université de Savoie, chercheur dans l'équipe tectonique, relief et bassin. Alors, une autre particularité des Andes, hein, on le disait tout à l'heure, c'est son importante activité sismique. Pas plus tard que la semaine dernière, un séisme de magnitude 7 a frappé le sud-est du Pérou, heureusement sans faire de victimes. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous êtes intéressé justement à l'étude de cette activité sismique qui nous renseigne bien évidemment sur les mécanismes de subduction. Oui, je suis allé à la rencontre de Christophe Vigny, qui est directeur de recherche CNRS au département Terre, Atmosphère, Océan de l'École Normale Supérieure. Il surveille en fait l'activité sismique et la déformation de la Terre au Chili, un pays où, vous l'avez dit, l'activité sismique est particulièrement intense. C'est d'ailleurs au Chili qu'a eu lieu le plus fort séisme jamais enregistré en 1960, avec une magnitude de 9,7. J'ai rencontré Christophe Vigny quelques jours avant son départ pour Concepción, une ville au sud de Valparaíso. Et c'est grâce, en fait, dans son travail à l'observation par GPS que Christophe Vigny et son équipe mesurent et surveillent les déformations rapides de l'écorce terrestre dans la région de Concepción. Ces travaux permettent non seulement de mieux caractériser l'activité sismique de la région, mais aussi de déterminer avec encore plus de précision l'aléa sismique. Alors ce laboratoire fait beaucoup de choses, on étudie la Terre sous beaucoup d'aspects différents. Ce que je fais moi, c'est grâce aux outils de la géodésie spatiale, et en particulier le GPS, qui permet de mesurer sa position à la surface de la Terre avec une très grande précision. Je mesure la déformation de l'écorce terrestre. Pour ça, j'installe des réseaux de marqueurs. Un marqueur, c'est toutes sortes de choses. Ça peut être une croix gravée dans un caillou, ça peut être un boulon scellé dans un affleurement rocheux. On vient positionner un appareil GPS dessus, il acquiert des mesures pendant un certain temps, on fait des calculs savants et compliqués, on induit la position du marqueur à quelques millimètres près. On laisse passer un peu de temps, on revient stationner l'instrument sur le même marqueur, on réacquiert des mesures, on recalcule la position, on constate qu'elle a changé à cause de la tectonique des plaques. Les plaques bougent de 1 à 10 cm par an, donc chaque année, le point se déplace de cette quantité-là. Ce qu'on mesure, c'est 1, la tectonique des plaques, leur déplacement, et 2, leur déformation, qui se superpose à ce déplacement. Vous partez lundi en mission au Chili. Alors dans quelle région, dans quel espace du Chili vous allez vous rendre, et à quoi ça ressemble l'endroit où vous allez aller ? On travaille pour l'essentiel dans les endroits où il y a des tremblements de terre. Les tremblements de terre, c'est la conséquence de la déformation des plaques. Alors le Chili, parce que c'est une zone sismique du monde, et aussi parce que la déformation y est rapide, donc avec nos mesures qu'on répète régulièrement, on voit rapidement ce qui se passe. Du coup, nous on travaille en gros entre 20 et 40 degrés de latitude sud, c'est-à-dire à peu près de la frontière avec le Pérou, jusqu'à une ville qui s'appelle Concepción, et au sud de laquelle les choses deviennent plus compliquées. Alors donc dans cette région, la faille de subduction, de la convergence entre les deux plaques, la plaque océanique Nazca et la plaque continentale Amérique du Sud, est presque rectiligne, nord-sud. Et la plaque Nazca avance contre la plaque Amérique du Sud à 7 cm par an, pratiquement perpendiculaire à cette subduction. Donc c'est une situation presque la plus simple qu'on peut imaginer. Pour autant, sur ces 2000 km de subduction presque rectiligne, quand on mesure avec la géodésie spatiale, on constate qu'il y a des zones où la déformation s'accumule et des zones où elle ne s'accumule pas. Et ça varie très vite. Sur quelques dizaines de kilomètres, on monte, si vous partez du sud, vous montez vers le nord, et vous, ce que vous voyez apparaître, c'est ce qu'on appelle des grands segments de 100, 200, 300 kilomètres sur lesquels la déformation s'accumule, qui sont séparés les uns des autres par des zones plus étroites où la déformation ne s'accumule pas, avec des gradients de déformation très abrupts. Ce qu'on voit, c'est que ces segments sismiques correspondent très bien à l'occurrence des grands tremblements de terre, ceux qui se sont produits ces dernières décennies, qui se produisent là où la déformation s'accumule, mais aussi les séismes historiques. Les segments où l'on voit la déformation s'accumuler aujourd'hui sont les segments qui rompent aujourd'hui, mais sont aussi ceux qui ont rompu hier, avant-hier, il y a 100 ans, il y a 1000 ans, etc. Donc on a identifié comme ça des zones où il se passe des choses, soit il y a eu un tremblement de terre il n'y a pas très longtemps, et donc on regarde à quelle vitesse on revient à la situation d'avant, soit des zones où on pense qu'il va y avoir un tremblement de terre bientôt, sur une analyse assez simple finalement, qui est, il n'y a pas eu de tremblement de terre là depuis longtemps, pourtant la déformation s'accumule, on mesure à quelle vitesse elle s'accumule, on sait depuis combien de temps elle s'accumule, le temps du dernier tremblement de terre, on peut calculer que ça devrait casser bientôt. Alors, pourquoi la cordillère des Andes est là ? C'est essentiellement parce que dans ce mouvement de convergence, la plaque continentale, elle est comprimée. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Sur les temps courts, dans le temps du cycle sismique qui va se répéter tous les 100 ans, pour nous c'est court, hein, pour un géologue qui parle en centaines de millions d'années, 100 ans c'est pas grand-chose. Sur les temps courts, la plaque est presque élastique. Elle accumule de la déformation comme un ressort qui se comprime, jusqu'à ce qu'il y en ait un peu trop par rapport aux forces de résistance, et ça casse, c'est le tremblement de terre qui relâche cette déformation. Élastique, ça veut dire que c'est de la déformation récupérable. 100% de ce qui a été accumulé est rendu lors de la rupture. Alors si c'était parfaitement élastique, ce serait 100%, et il n'y aurait pas de cordillère des Andes. Et justement, c'est très principalement élastique, mais il y a une petite partie qu'on appelle plastique, une petite partie de la déformation qui est accumulée dans cette convergence n'est pas rendue et elle est permanente, elle est accumulée de manière permanente dans la plaque et c'est ça finalement qui fait les Andes. Alors, on a choisi tout au long du Chili des zones qui nous paraissaient intéressantes à étudier, soit parce que on avait commencé à mesurer là et on a détecté qu'il se passait des choses anormales, et donc on veut en savoir plus, soit parce qu'on a clairement identifié que ce sont ce qu'on appelle des lacunes sismiques, des endroits où il y a eu un tremblement de terre dans le passé, mais il y a longtemps, et la déformation s'accumule, donc ça va rompre bientôt. Comme ça, on avait identifié la lacune qui a rompu en 2010, lors du séisme dit de Mahoulé, le 27 février 2010. Qui avait une magnitude très élevée. 1,8, donc c'est un très gros séisme, absolument. Et puis on a identifié comme ça deux ou trois autres lacunes où il y a de la déformation qui s'accumule et où on attend un prochain grand tremblement de terre. En plus de ça, on a récemment identifié une zone où la déformation est très anormale, où il semble se produire ce qu'on appelle un séisme lent. C'est quelque chose de nouveau dans notre bestiaire de sismologues. Depuis 10-15 ans, on a capturé ces événements qui ont toutes les caractéristiques d'un tremblement de terre. C'est quelque chose qui casse. Mais au lieu que ça se produise en quelques minutes, ça se produit en quelques jours ou quelques semaines. C'est pour ça qu'on les appelle lents. Et donc silencieusement, ils n'émettent pas d'ondes sismiques. Pour autant, ça relâche de la déformation. Et là, ce qu'on essaie de comprendre, c'est est-ce que ça améliore le bilan d'une faille en diffusant de la déformation de manière lente et silencieuse, c'est autant de moins pour les prochains tremblements de terre, ou si au contraire, ça prépare l'interface à une future rupture. Voilà la sismologie face à la géologie et à l'explication de ces mécanismes de subduction. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Robin Lacassin ? Ce dont Christophe Vigny vient de parler, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, finalement. Et donc, à l'heure actuelle, sur les quelques, ce qu'il peut documenter, c'est sur quelques années, quelques dizaines d'années au maximum. Et donc ça, c'est le fonctionnement... actuelle, essentiellement liée au séisme et à la préparation des séismes, de ces grands séismes sur l'interface de subduction, par exemple. C'est une approche qui est extrêmement intéressante pour comprendre ces histoires de cycles sismiques. Par contre, si on revient au problème qu'on s'est posé au départ, qu'est-ce qui a initié la chaîne et qu'est-ce qui fait que le système s'est coincé et s'est mis à fabriquer une chaîne de montagnes? C'est des échelles de temps qui sont beaucoup trop différentes et on passe à un autre système. Joseph Martineau. Exactement, c'est des questions qui sont presque complètement différentes. Ça a révolutionné le GPS, notre compréhension de la mécanique des failles. Il y a des tas de choses qu'on n'imaginait pas il y a 20 ans. Mais je pense que Christophe Vigny irait à Sumatra mettre en place un réseau, il observerait peu ou prou le même genre de déformation, le même genre de cycle sismique. Et c'est-à-dire que ce qu'il observe en premier ordre, c'est les déformations liées au cycle sismique, et ce n'est pas les déformations liées à la construction de la chaîne de montagnes. C'est une des difficultés. Quand Christophe Vigny a parlé du séisme de Mahoré de 2010, il y avait eu le séisme précédent qui avait eu lieu dans la région, c'était le séisme de 1835. Et le séisme de 1835, on le connaît bien parce qu'il a été décrit par Darwin. Parce que Darwin, lorsqu'il faisait son tour du monde, il est passé juste à côté de Conception. Il était 500 km au sud de Conception lorsque le séisme a eu lieu. Et il a décrit les dégâts, les effets du séisme 15 jours après que celui-ci ait eu lieu. Et on s'aperçoit que le séisme de 2010, c'est pratiquement une réplique exacte du séisme de 1835 décrit par Darwin. Darwin avait observé dans certains secteurs les côtes qui se soulevaient suite au séisme. Et il pensait avoir trouvé là le mécanisme qui expliquait le soulèvement de la cordillère des Andes dans son ensemble. Alors on ne peut pas lui jeter la pierre. À l'époque, on n'avait aucune idée des durées, des phénomènes géologiques. Mais en fait, c'est des phénomènes qui se produisent à des vitesses complètement différentes. Du coup, je vais revenir et je vais vous poser cette fameuse question, puisque c'est la question que nous nous posons depuis le début de cette émission. Robin Lacassin, qu'est-ce qui a coincé le système dans ce mécanisme de subduction tectonique entre la plaque de Nazca et la plaque continentale? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça a coincé, que la cordillère des Andes est sortie? En tout cas, quelles sont vos hypothèses? On a dit tous les deux qu'on ne peut pas répondre à cette question de façon sûre, puisqu'il y a plusieurs hypothèses sur la table, en quelque sorte, et qu'on essaye de tester avec différentes sortes d'observations géologiques ou bien des modèles aussi, des modèles géodynamiques, des modèles numériques par exemple. Différentes hypothèses, des hypothèses avec différentes variantes, c'est des histoires d'évolution de la zone de subduction, donc à la verticale de la chaîne de montagne. Plusieurs types de modèles pensent que lorsque la plaque qui s'enfonce atteint une interface qui est à peu près à 600 km de profondeur, donc quelque part dans le manteau, assez profond dans le manteau, à cette profondeur-là, la plaque océanique a du mal à continuer à s'enfoncer et se plisse, se raccourcit elle-même. Et donc toute une famille de modèles pense que c'est l'évolution de cette plaque à cette profondeur-là qui, à partir d'un moment, bloque le système. Donc il y a toute une, avec beaucoup de variantes d'ailleurs, une famille de modèles qui est sur cette hypothèse-là, donc des histoires à la verticale et donc l'évolution de la subduction qui ne peut plus fonctionner de façon régulière et qui va changer les forces au-dessus. Joseph Martineau. Oui, peut-être juste pour apporter un élément supplémentaire. Hein. 600-700 km, c'est ce qu'on appelle la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Et on sait que le manteau inférieur a une viscosité beaucoup plus grande, c'est-à-dire que c'est un matériau pâteux, mais qui se déforme beaucoup plus difficilement que le manteau supérieur. Et du coup, si vous faites descendre une plaque en subduction dans le manteau supérieur, elle le fait relativement facilement, et quand elle arrive dans ce matériau qui est beaucoup plus dur, qui est beaucoup plus résistant, qui est constitué par le manteau inférieur, elle continue à y pénétrer, mais beaucoup plus difficilement. Et on connaît, la tomographie sismique nous montre des images de plaques qui viennent s'aplatir. Un petit peu comme moi, je fais l'analogie avec quelqu'un qui plonge trop plat à la piscine et qui se prend un plat à la surface de l'eau. Mais on connaît des plaques qui se prennent des plats à la surface du manteau inférieur parce qu'elles ont du mal à y pénétrer. Et donc peut-être qu'au départ, une subduction, elle se produit relativement facilement tant que la plaque descend dans le manteau supérieur. Et quand elle commence à être obligée de pénétrer dans le manteau inférieur, c'est moins facile. Donc ça, c'est une gamme de modèles. Quels sont les autres? Alors, Il y en a tellement. Il y en a, oui, y a, alors, peut-être parlons de l'actualité. Il y a une étude récente qui a été publiée dans la revue Nature le 24 janvier dernier, qui propose un modèle de subduction par étape, de subduction discontinue, ce qui reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, disons, ce qu'ils disent, c'est que la plaque océanique qui actuellement plonge sous le continent américain, c'est la plaque qu'on appelle la plaque Nazca, et on sait que la subduction de la plaque Nazca a commencé bien avant dans le nord du continent que dans le sud du continent. Et dans le sud du continent sud-américain, c'était une autre plaque qui passait en subduction auparavant. Et donc, ces auteurs disent, on a une subduction qui est plus ancienne au nord qu'au sud, et ça explique pourquoi les Andes se sont formées d'abord au nord et ensuite au sud, parce que la plaque a atteint le manteau inférieur plus vite au nord qu'au sud. Donc ça, c'est la publication qui est parue à Nature il y a quelques mois. Le 24 janvier. Voilà. Il y a quelques jours, deux semaines, pardon. Mais ça n'a pas l'air de vous convaincre énormément. D'une part, je ne suis pas persuadé que les Andes soient beaucoup plus anciennes au nord qu'au sud. Hein. Ça se discute parce qu'on a des traces de tectoniques compressives dans les Andes de Patagonie qui se produisent de façon très précoce également. Moi, quand je suis dans les Andes, il y a toujours quelque chose qui m'a stupéfié. C'est finalement la contemporanéité des phénomènes qui se produisent dans les Andes et de ceux qui se produisent en Europe. Parce que moi, au début, j'ai fait mes études comme tout le monde dans les Alpes. Et donc, on m'apprenait, dans les Alpes, vous avez des failles normales au Jurassique. Tout le monde va voir la faille du col d'Ornon à côté de Bourdoisan. C'est l'Italie qui est en train de se séparer de la France. On a un océan qui apparaît entre l'Italie et la France. Ça, c'était à partir de la fin du Jurassique. Et dans les Andes, vous avez un épisode extensif au Jurassique exactement en même temps. Et puis, lorsque les Alpes commencent à se refermer, eh bien, c'est en même temps qu'on commence à voir la convergence dans les Andes. Et un mécanisme qui pourrait lier les deux phénomènes, c'est l'ouverture de l'Atlantique Sud, parce qu'on pense que un des mécanismes qui explique la formation des Andes, c'est le fait que l'Amérique du Sud migre rapidement vers l'Ouest. Et si l'Amérique du Sud migre rapidement vers l'Ouest, depuis qu'elle s'est séparée de l'Afrique. Lorsque vous séparez l'Amérique du Sud de l'Afrique, vous avez l'Amérique du Sud qui part vers l'Ouest, vous avez l'Afrique qui part vers le Nord-Est et qui vient rentrer en collision avec l'Europe. Et donc ça explique finalement qu'on ait ces deux phénomènes qui se produisent de façon simultanée. Donc un autre mécanisme, mais en plus ce qui est difficile avec ces mécanismes, c'est qu'ils ne sont pas forcément exclusifs les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils s'additionnent probablement. Mais un des mécanismes qui peut expliquer le fait qu'on ait du raccourcissement dans les Andes, c'est que le continent sud-américain se déplace rapidement vers l'Ouest. Et ça, c'est quelque chose que la subduction ne peut pas accommoder facilement. Romain Lacassin. Oui, donc on est en train de discuter deux grandes familles de modèles, finalement. Certains, les premiers dont je vous ai parlé, c'est plutôt une évolution à la verticale de la chaîne de montagne. Ceux dont vient de parler Joseph, c'est plutôt des histoires de déplacements horizontaux à l'échelle du globe, en quelque sorte. Hein. Parce que vos modèles à vous, Romain Lacassin, c'est plutôt... Ah non, c'était pas du tout mon modèle à moi. Vos modèles à vous, c'est plutôt que... Je serais plutôt d'ailleurs sur le deuxième modèle que vient d'illustrer Joseph. Donc des histoires à l'échelle de la tectonique des plaques, pratiquement de la moitié du globe, hein, finalement. Ce qui se passe entre l'Afrique et l'Eurasie, Et l'Amérique du Sud, séparée par l'ouverture de l'océan Atlantique. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que, allant plus loin, les gens qui sont sur ces hypothèses-là ont aussi mis en avant l'hypothèse qu'à partir du moment où le système entre l'Afrique et l'Eurasie coince également à cause des collisions, hein, à cause de la collision entre l'Afrique et l'Europe, de l'Inde avec l'Eurasie, à partir du moment où cela coince, ça va encore peut-être modifier un petit peu le mouvement de l'Amérique du Sud, qui va vers l'ouest, mais qui va peut-être aller plus vite vers l'ouest. Les gens sont sur des hypothèses de ce type. Donc des modifications de vitesse de l'Amérique du Sud par rapport, et on a des problèmes de référentiel aussi là-dedans, ça peut être par rapport à la plaque Nazca, mais aussi il faut penser à ce qui se passe par rapport au manteau en dessous. Donc des problèmes de mouvements horizontaux assez complexes et qui varient dans le temps, et ça peut être une des raisons qui a déclenché la fabrication de la chaîne. Mais justement, vous avez proposé un schéma alternatif, un modèle alternatif dans une publication de 2010 avec Roland Armijo. Qu'est-ce que ça suppose, si j'ai bien compris? Vous partiriez plutôt du principe que le point de départ de la cordillère des Andes, c'est les Andes centrales. Oh, c'est effectivement cette hypothèse sur laquelle on travaille. Si l'on parle des Andes centrales, effectivement. Donc c'est le milieu des Andes centrales pour nous, le point de départ. Et je suis d'accord avec Joseph que si on va vers l'équateur, Colombie ou à l'extrême sud en Patagonie, c'est peut-être des histoires différentes. Et donc c'était basé sur un petit peu ces raisonnements à grande échelle de modification de la tectonique des plaques et des flux mantelliques en dessous. C'est des choses qui ont été proposées il y a plusieurs dizaines d'années par des sismologues, d'ailleurs Russo et Silver, qui essayaient d'expliquer les flux mantelliques sous la plaque qui s'enfonce et qui avaient fait l'hypothèse qu'on déclenchait la fabrication des chaînes au milieu et que ça se propageait ensuite vers le sud et vers le nord. Et donc concrètement, si on devait le résumer en quelques mots, ce modèle-là, c'est effectivement ce que vous dites. Ça expliquerait en tout cas ce mystère de l'altiplano qui fait que... Qui est plus large au milieu et la chaîne qui s'affine vers le sud en quelque sorte, oui. Joseph Martineau ? À ce sujet, nous on avait fait une hypothèse, mais peut-être d'ailleurs qu'elles ne sont pas complètement incompatibles. Probablement, hein, on observe les mêmes choses quand même au départ. Ce qu'on constate quand même, c'est que les Andes centrales s'élargissent fortement. La cordillère orientale, c'est une chaîne qui apparaît il y a environ 40-50 millions d'années à l'Éocène. Et c'est un des épisodes pendant lesquels on a une subduction horizontale. Parce que c'est un moment pendant lequel le volcanisme au niveau des Andes centrales est complètement anormal. C'est-à-dire anormal. Anormal, c'est-à-dire qu'il disparaît. L'arc volcanique migre en direction du Brésil, puis il finit par s'éteindre complètement. Et donc, une des hypothèses qu'on avait faites en s'appuyant sur des modèles, des modèles réduits, en silicone, mais également des modèles numériques, nous conduisent à dire que finalement, si vous avez un plateau océanique qui doit passer en subduction à cette époque-là sous les Andes centrales, vous faites une subduction horizontale parce que la plaque plongeante a une densité plus faible. Donc elle n'a pas tellement envie de couler à l'intérieur du manteau, du coup elle va seulement se glisser sous la plaque continentale. Vous augmentez la distance de contact entre les deux plaques, du coup vous avez plus de friction, du coup vous avez plus de raccourcissement. Ça entraîne l'élargissement de la chaîne qui migre vers l'est. Et ça peut expliquer pourquoi à cet endroit-là et uniquement à cet endroit-là, on a ce phénomène qui se produit à cette époque. En un mot, vraiment très très rapidement pour conclure, qu'est-ce qui pourrait permettre aujourd'hui, Robin Lacassin, de discriminer un modèle plus que l'autre? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va rester à l'étape théorique pendant longtemps? Je vais défendre ma chapelle, avoir plus d'observations géologiques et en particulier, ce que Joseph a dit, des datations très précises des événements. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Robin Lacassin, merci Joseph Martineau d'être venu nous parler de cette cordillère des Andes et de ses mystères. Et on peut parler des mystères de la cordillère des Andes sans parler des pétroglyphes de Nazca par exemple. Ça change un peu. Merci en tout cas pour cette belle émission de géologie. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Ville-France, Céline Lozen, Éléonore Pérez, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain nous partirons en exploration non plus dans les altitudes et dans la montagne, mais dans l'espace, après l'arrêt du rover Opportunity et le déplacement d'un autre rover Curiosity sur Mars. Nous nous demanderons à quoi ressembleront les rovers de demain, et vous verrez qu'ils ne seront peut-être pas sur la Terre, ils pourront être sous l'eau. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.